के टल्ली है सारे आज टांग उठा के Bonne année à tous nos auditeurs, bonne année à toutes nos auditrices, et évidemment, bonne année Mélanie. Oh merci, bonne année Julie, bonne année tout le monde, que 2022 vous apporte joie et bonheur. Plus que 2021, et encore plus que 2020, ouais, surtout. Les années étaient pas fofolles. Non, c'était pas terrible. Non. Donc voilà, bah écoutez, c'est un tout petit hors-sujet pour quand même vous souhaiter une bonne année. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas dit bonne année dans le futur épisode. Donc pour ça aussi, écoutez, c'est le moment de faire un léger, tout petit bilan de l'année 2021 pour notre podcast qui est encore bien évolué par rapport à 2020 parce que là, on a fait une année complète. Ah oui, bah du 1er janvier au 31 décembre, hein, voilà. Et ouais, c'est un truc de fou, donc c'est pas non plus l'anniversaire, donc on va pas faire grand-chose, mais bizarre de se dire qu'on pensait pas qu'on irait jusque-là, quand même, avec ce podcast. Non, carrément pas. On avait lancé le truc en mode, ouais, c'est bon, dans un mois, c'est fini, on aura pas fait grand-chose, et non, on est toujours là. On est tenaces. Eh oui. Alors, cette année 2021, qu'est-ce qu'elle a apporté de neuf sur notre podcast ? Ah, mais plein de choses. Enfin, déjà, à la fin de l'été, vous avez vu qu'on a changé notre rythme. Maintenant, vous avez un épisode toutes les deux semaines au lieu de toutes les semaines, parce que c'est quand même plus pratique pour nous. Ouais. On a changé notre logo. Oui, on a fait une petite refonte graphique. On a eu des invités cette année, c'était la nouveauté. Ouais. On a eu Jeannette sur Salam et Ishk. On a eu Thibaut sur Tanaji. On a eu Bon Chic, Bon Genre sur Boulboul. Et on a eu Rome Comment sur Jabari, Metzedjal. Tout à fait. Et on espère bien avoir d'autres invités cette année. Ah bah oui, tant qu'à faire, faut qu'on continue un petit peu. C'est sympa d'échanger. En plus, à chaque fois, on a été avec des gens qui, en fait, connaissaient pas Bollywood. Ouais. Donc, c'était plutôt cool de leur faire découvrir. Mmh. Même si on n'a pas toujours été sympa, on a pas toujours attaqué avec des grands chefs-d'œuvre. Ah bah la pauvre Jeannette. Bah les filles de Rome Comment aussi. Aussi, oui. Oh, voilà, c'est... Non, mais c'était plutôt marrant. Mais oui, effectivement, ça a fait des petites nouveautés. Ça évolue petit à petit. Nous, notre audience aussi, elle a quand même grimpé. Mm-hmm. On l'a vu, donc ça nous a fait plaisir. Ça a évolué. Maintenant, quand on y pense et qu'on voit les chiffres, on se dit, t'imagines, si on remplissait une salle avec autant de gens qui venaient nous écouter, ça ferait drôle. On va bientôt faire le Bataclan comme 2 heures de perdu, hein. Attention, hein. Ah là là là, ouais, et puis du coup, on a clôturé en allant voir un spectacle musical, Bollywood. Oui, qu'on avait... Passage to Bollywood. Voilà, allez écouter, hein, on a fait une review dessus. Un épisode sous coke, hein, vu comme on est surexcité. Clairement. Mais on y sommes toujours comme ça. Quand il y a des spectacles, on est un petit peu. On prend pas de drogue, hein, promis. Voilà. Alors, du coup, est-ce que on s'y attendait à cette année 2021 ? Quel était le premier film que nous avons chroniqué en 2021 ? L'un des pires Bollywood que j'ai jamais vu de ma vie, c'était Béfique, que j'ai détesté de tout mon être, de toute mon âme. Je ne suis pas d'accord. Nous avons donc démarré effectivement avec Paris. Voyons, la France. Je n'aime pas Paris. Bah oui, bah ça marche pas aussi. J'aime la France, mais je n'aime pas Paris. Un remake de jeu d'enfant, un chef d'œuvre dont on discute d'ailleurs dans l'épisode. Ok. Donc t'es en train de dire que cet épisode a amorcé la suite de l'année, c'est ça ? Ouais, tout était pourri, voilà. Non. De toute façon, je me casse. Non, je plaisante. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de voir l'affiche, elle est très rose, et on a terminé avec un film dont l'affiche aussi est très rose. Ah oui, c'est vrai. Nous avons terminé avec... Entertainment. Oui. Avec le petit chien. Oh, ça a mieux fini que ça a commencé, alors. Ah bah oui, il y avait un chien, donc ça va. Il y avait Akshay. Il y avait un chien. Et des effets spéciaux. Et un chien. Beaucoup de chiens. Oui, plein de petits chiens. C'était les 101 dalmatiens presque. Sauf que c'était pas des dalmatiens. Mais pas tous. Puis ils étaient pas 100, hein. Donc c'était. Oh, il y a un moment où. Quand ils sont multipliés par ordinateur. La joie du clonage par ordinateur, oui. Mais donc, oui, on a fini dans la douceur, la nostalgie, l'enfance. C'était pour Noël. Les petits animaux, et puis. Voilà, un équivalent de Lassie, Air Bud et Beethoven tout à la fois, avec ce petit chien qui s'appelle Entertainment. Oui. Donc voilà, c'est passé vite, mine de rien, l'année 2021. Trop vite. C'est un peu fou. Mais plus on vieillit, plus le temps passe vite. Ouais, c'est stressant. Ouais. T'es là, tu fais « Ah oui, on a déjà fini ». Et... Mais t'inquiète, quand on sera dans la même maison de retraite, on fera bon. Aussi des épisodes du podcast. Pour l'épisode 1200. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et du coup, on a quand même brassé pas mal de films cette année. On va vous redonner d'ailleurs la liste. Et c'est vrai que... En fait, ça fait bizarre parce qu'en regardant la liste des films, on s'est aperçu qu'il y en a... Bah déjà, on les avait oubliés. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Là, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça. On a fait ce film, ah bon. Et puis, tu te rends compte qu'on a des problèmes de repérage dans le temps. Moi, il y a des films, j'ai l'impression que c'était hier et c'était au début de l'année. Et il y en a d'autres, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle. Et en fait, non, c'était plus récent que d'autres films. Et là, je me dis, oulala, ça y est, on déraille. Hein. Ah bah, on vieillit. On vieillit, Julie, on vieillit. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, Mélanie, si tu nous redisais les 8 premiers films que nous avons traités cette année dans l'ordre chronologique, s'il te plaît. Alors, donc on a eu Béfikre. Unpaused, que j'avais complètement oublié, qui traite du Covid. C'était pour ça que j'ai préféré l'oublier. Ouais, 4 courts-métrages sur le Covid. Mardani 2, Manikarnika, Aedil Aïmouchkil, l'un des pires films de tous les temps aussi. Oui, on est d'accord. Virzara, voilà. qui nous a bien fait chier. Faut dire ce qu'il est. C'est pas ça, il y en a plein qui viennent nous dire « Ah, c'est mon film préféré, je suis désolée. Trop bien, j'ai fait un épisode dessus. » Et nous, on fait tout un épisode en disant « Franchement, c'était pas ouf. Hein. » Je suis désolée. Non, on mais... est vraiment désolée. Non, mais voilà. Pourtant, vous savez à quel point j'aime Shahrukh, mais voilà. Umdil Dechouke Sanam avec la sublimissime Eshwarya Rai. Zero. Qui porte bien son nom, encore une fois. Pas tout à fait d'accord, pas tout à fait d'accord. Et ensuite, on a enchaîné avec quoi? On a enchaîné avec... Hey, Rustom! Nanana, c'est le meilleur Rustom! Rustom! Salamé Ishq! Avec Jeannette! Avec Jeannette, évidemment. Dirty Picture. Oulala, oulala. Oulala, oulala. Touvelle Mary Fantasy. Cette chanson nous poursuivra à jamais. Oui, oui, oui. Puis nous avons attaqué Mother India, le grand classique évidemment, Nirja. Sortez les mouchoirs. Tismarcan. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait Tismarcan. On l'a fait à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on l'a fait il y a pas longtemps Tismarcan. Ouais ouais, bah non, c'est non, ouf, c'était hein. Déjà il y a longtemps. The Girl on the Train. Lagan. Oh. Eh oui. Ensuite, et ensuite on l'a enchaîné avec Filori. Avec Firbi Dila Hindustani. Firbi Dila Hindustani. Un épisode sur les veuves où on a parlé de The Last Color et de Paglette. Le magnifique, le sublimissime, le film culte de cette année pour le podcast. Oui! Abracadabra! Abracadabra Kids! Ensuite, on a eu Queen, Tanaji avec Thibaut et Béja Fry. Oh my god, Béja Fry! C'était quelque chose. On a ensuite enchaîné avec Makboul, Maricom, Bangrapalé, Sikandar, Viceroy's House, que vous connaissez aussi comme le dernier viceroy des Indes, Action Replay. Que j'avais oublié déjà alors qu'on l'a sorti cet été. Ouais. À la rentrée. On l'a sorti à la à rentrée. À la rentrée. Enfin, ouais. Fin de l'été. Voilà, ouais. Début rentrée. Ouais. La série Leila, qui était sur Netflix. Et Rawan, avec Mr. Shahrukh. Ensuite, on a enchaîné avec Mimi, qui a été un gros coup de cœur. Hein. Oui. Sawaria, qui n'a pas du tout été un coup de cœur. C'était l'anticipation d'Halloween, Sawaria, en fait. Ah, puisqu'on c'est ça. On a escaladé dans l'horreur, voilà, dans les trucs vrai, qui font peur. Du coup, Sawaria aurait dû être Sawaria. À la fin. Hein. C'est ça. Crescendo. Hein. On a eu Sawaria, ensuite pour le pré-Halloween, on a eu Boot Police. Boot Police. Ensuite, on a fait pour Halloween Boule Boule avec Bon Chic Bon Genre. Oui. Mangal Pandey et sa merveilleuse bromance qui nous a tant émus. Cocktail, que Julie a adoré. Ah, oh, c'était marrant de se moquer d'une rom-com. Jabari Metsejal avec les filles du podcast Rome Comment. Yes. Et enfin, pour Noël, on vous a fait Entertainment. Avec le pot des chiens. Let the dogs out. Ouh, ouh, ouh, ouh. Ah, c'est mieux que mon waouf. Waouf. C'était dans quel épisode, ça, ton waouf, déjà? Je sais plus. Je sais plus dans quel épisode j'ai sorti un waouf totalement pas crédible. Mais voilà, donc ça en fait quand même des films. Bah oui, c'est pas mal du tout. Ouais, ouais, ouais, ça fait une sacrée liste. Donc voilà, maintenant, on vous a rappelé un petit peu tout ce qu'on a traité cette année. Comme ça, si vous voulez aller voir les épisodes. Plus des épisodes spéciaux sur nos lectures indiennes de l'été. Les Bollywood versus Awards, c'était sorti au mois de mars, je crois. Pour les 1 an du podcast, plus... Bah, notre critique du film, du spectacle musical. Du spectacle. A Passage to Bollywood. Voilà. Non, non, mais vous avez le droit à des petits à côté quand même et tout. Ah, oui. On a été généreuses cette année. Tout à fait. Donc on espère que 2022 sera dans la même veine. Mm-hmm. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on fasse tel ou tel film, à nous envoyer des suggestions, ça nous ferait très plaisir. Alors c'est vrai qu'on a encore une grosse liste de suggestions qu'on n'a toujours pas traitées. Je dis ça, mais on a plein de suggestions à traiter déjà. Il faut qu'on s'organise, parce que c'est vrai que... Bah, on traite aussi des films parfois d'actualité, comme Mimi, qui est sorti justement en 2021, Bout de police aussi, ou simplement on suit notre instinct en disant bah, « tiens, on aimerait bien faire ça ou ça ». Ouais, on va essayer aussi de traiter cette année les différentes suggestions, mais on pourra pas tout faire non plus. Non, c'est vrai qu'on avait eu en suggestion, on avait eu pas mal de Charouk, sauf qu'on essaie quand même d'alterner. On aime beaucoup Charouk, hein, mais on peut pas parler que de lui, ça s'appelle pas Charouk versus. Parce qu'il n'a pas fait que des bons films non plus, Non, sans deck. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on pèterait un petit peu Donc on essaye un peu d'alterner. C'est vrai qu'il y a des acteurs qu'on n'a pas abordés, mais comment vous dire que leur filmographie nous laisse un petit peu perplexe. Alors pour cette année, ce sera pas pour tout de suite parce qu'on a déjà 3 épisodes de prévus déjà. Ouais. On aimerait bien essayer de voir un petit peu par exemple Karisma Kapoor ou Sridevi ou peut-être faire des vieux films comme le film qui va sortir la semaine prochaine mais je peux pas vous dire le nom. Mais non. Et voilà, des films un peu genre des années 60, 70, ça peut être très sympa aussi. Ouais, même retourner dans les années 30, 40. J'avais adoré l'épisode sur Sikandar. Ouais, c'était hyper bien, en vrai. C'était super cool à faire, donc je pense qu'on va revoyager un peu dans toutes les époques. C'est hyper sympa, surtout que même quand on a fait du coup Mother India ou celui qui va arriver la semaine prochaine, c'était des bonnes surprises, donc même, c'est pas mal de repartir dans le passé. C'est ça. Puis ça nous permet aussi de voir comment est-ce que le cinéma se faisait à cette époque, quels étaient les messages qui passaient. Les codes. Voilà. Exactement. Les attentes. Non, non, c'est hyper intéressant, mais du coup, toujours n'hésitez pas, parce qu'on le prend quand même en compte, ça nous fait réfléchir, on se dit tiens, on peut partir là-dessus ou là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous, au contraire, on est partantes. Et voilà, ou nous recommander des gens avec qui vous voudriez qu'on fasse un épisode, en fait, en invité. Ah oui. N'hésitez pas à nous dire qui est-ce que vous voudriez voir comme invité. Ou si vous voulez participer, pourquoi pas. Oui, oui, oui, bien sûr. Donc voilà, on est ouverte à tout. Toutes les propositions, 2022. Ah bah oui, 2002, Vous voyez, quand tout à l'heure, elle vous disait qu'on allait voyager dans le temps, bah voilà, 2002, hop, on avait 12 ans, on me déconnait, je te jure. Oh là là. Ah là, 2002, bien sûr, oui. Non, je veux retourner à l'avant-Covid. 2022, voilà, année de la découverte, encore une fois, de nouvelles choses, donc on espère que ce sera bien, on espère que ça se portera bien pour le podcast. Faut savoir qu'on a eu pas mal de déboires aussi, quand même. Lors d'enregistrement, on a eu plein d'épisodes qui ont été super galères. À partir s'est tapé beaucoup de bruit, septembre, octobre. De pistes qui n'allaient pas, de trucs qui ne s'étaient pas enregistrés. Il y a vraiment eu... On a eu une grosse période de vide, de creux, où on était un peu en mode putain, mais les éléments sont contre nous. Ouais, je crois qu'il y a Mimi qu'on avait dû réenregistrer. Mangal Pandey, la première fois qu'on l'a enregistré, ta piste a été perdue. Quand on l'a réenregistré la deuxième fois, le son était affreux, c'est l'épisode que vous avez écouté, mais on n'a pas eu le courage de le refaire, et en fait, on n'a pas eu le temps non plus. Non. L'épisode que vous allez écouter la semaine prochaine, le son était catastrophique aussi, mais celui-là, on a eu le courage de le refaire, donc le son sera bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais pas si Bout de police, on n'avait pas eu un problème aussi. Non, Bout de police, je pense pas. Mais il y en a plusieurs comme ça où on a fait putain, faut recommencer, faut réenregistrer. Ouais. On avait des soucis de bruit de voisinage. Enfin, ouais, il y a eu des passages à vide un petit peu par moment. Donc c'était un peu compliqué. Et on était là, mais c'est pas possible, les éléments sont contre nous, laissez-nous là, on veut tourner. Ouais, en plus, c'était le moment de nos déménagements respectifs aussi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est dit, non, mais faut qu'on passe à un toutes les deux semaines, comme on avait fait cet été, parce qu'on va pas s'en sortir, en fait. Non, c'était la galère. Et au final, bah, ce rythme, bah, moi, me convient bien. Je ne sais ouais, pas ouais, pour ouais, toi. Non, ça permet de... Parce que, mine de ça rien... Ça un peu de ouais, temps. Mine de rien, même si, bah, vous savez, le podcast, c'est pas notre boulot à part entière, il y a quand même du taf aussi, parce qu'il faut regarder le film, prendre des renseignements, Julie fait le montage, il y a la com sur les réseaux... Et c'est un peu, il y a un petit côté chronophage aussi, donc c'est un petit peu de stress, mine de rien, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Et quand t'as déjà ton boulot, tes soucis perso, et que t'as ça qui se rajoute, et tout ça, t'es là, t'es bon. Si on réduit un petit peu l'allure, déjà, ça nous ôte un poids, et ça nous fait du bien. Oui, parce que oui, effectivement, bah, enfin, vous le savez si vous nous suivez depuis le temps, mais pour les personnes qui débarqueraient, c'est pas du tout nos boulots, et c'est pas du tout nos branches non plus! Ah non, on débarque pas du tout de ce milieu-là, de l'audiovisuel. Enfin, je le rappelle, moi, je suis docteur et ingénieur en chimie. Mélanie, à la base, est archéologue historienne. Alors, comment vous dire que rien à voir. Ce qu'on fait de mieux, ce qu'on sait faire, qu'on sait appliquer dans ce qu'on fait dans les podcasts, c'est mener des recherches. C'est ouais. toujours ce qu'on a fait, faire de la biblio, mener des recherches, vous donner un maximum de sources quand on apporte des infos, surtout quand on parle d'histoire, parce que c'est important. Voilà, mais donc du coup, forcément, ça prend du temps de mener des recherches, d'aller chercher des infos, des anecdotes, de ce qui s'est dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Voilà, donc forcément... Bah ouais, parce que notre but, c'est pas juste de dire « Bon, bah, on a vu le film, il était nul, il était bien, puis basta, quoi. » Genre, un film comme Mangal Pandey, on peut pas... Bah non, on peut pas en rester là, tu vois. On est obligé de creuser, de dire « Bah voilà, ça, c'est la vérité, ça, c'est un peu exagéré, en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ta ta ta ta ta ta. » Voilà. Après, un film genre comme Cocktail, ça demande évidemment beaucoup moins de recherche. Ah c'est... bon Parce que c'est pas très intellectuel. Ah bon Voilà. Mais voilà. En tout cas, bah, nous, on espère qu'on vous aura bien fait marrer quand même cette année. Oui. Qu'on aura su apporter un peu de gaieté, de joie de vivre dans vos tâches, dans vos vies, dans les périodes de transport en commun. Donc voilà, que ça vous aura diverti et que vous prendrez plaisir à continuer de nous écouter l'année prochaine, et à échanger avec nous, parce que nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à parler de tout ça, à échanger... À raconter des conneries... Oh là là. À chanter toutes les 5 minutes... Voilà, oh, vous allez avoir dans 2 épisodes, un épisode très très très chantant hein. Ça va finir en épisode comédie musicale, tout ça... Je te jure... Comme un Bollywood, voyons. Ouais, voilà... Cliché... C'est ça... Eh ben écoutez, encore une fois... Bonne année, on vous souhaite vraiment que le meilleur, évidemment. Que tout se passe bien pour vous, de la joie, de l'amour, de la santé, voilà, rien de, que le meilleur et que, voilà, et que vos rêves se réalisent aussi. Oh, c'est beau. Bah oui, c'est important. Exactement. Bah voilà, je vais pas rajouter grand chose à ce qu'a dit Julie, mais encore une fois, bah, bonne année, prenez soin de vous, des gens que vous aimez, de vos animaux, comme on l'a vu dans Entertainment, et voilà. Attention, ça devient un podcast écologique, tout ça. Eh bien, en attendant, on vous fait des gros bisous. On se dit rendez-vous, du coup, la semaine prochaine pour le premier vrai épisode de l'année 2022. Ah ouais. J'espère que celui-là va donner le ton de l'année. Hein. Ce sera pas méfique. Hein, donc Non, mais il est cool. Vous allez voir, il est cool. Ouais. On l'a enregistré il y a très longtemps, du coup. Ouais, on a une organisation un peu bizarre, mais on s'y retrouve. Oui. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et encore bonne année. Bonne année, bye. Bye. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं